Claude et Cyril, je vais vous demander de venir vers moi. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Autour du feu, présenté par Plantcaster et Damien. Autour du feu et de retour après 3 mois d'absence, 4 mois d'absence, 5 mois d'absence, 6 mois d'absence, je ne sais plus combien de temps on était absent, mais c'est pas grave, on revient pour l'analyse de l'épisode 13 de la dernière saison de Koh-Lanta, la guerre des chefs. Vous vous souvenez, on n'a pas eu assez de temps pour l'enregistrer cet épisode. On va donc l'enregistrer avec quelques petits mois de retard, ce n'est pas bien grave. Avec nous aujourd'hui, un invité exceptionnel pour une émission exceptionnelle. Il a été notre candidat préféré de la saison. Il nous a malheureusement quitté aux portes de la finale, battu par plus fort que lui, plus faible que lui, plus chanceux que lui, je ne sais pas. Je vous demande d'accueillir le brave, le beau, l'élégant, le chaleureux, l'impertinent, le magnifique, Cyril. Salut Cyril. Salut à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'ai envie de dire salut les campeurs, parce que autour du feu, ça me paraît bien. Vous appelez les campeurs. Ah bah. C'est un nom, ouais, ça rappelle un peu ça, parce que c'était d'ailleurs notre but hein, avec ce nom-là, de rappeler un peu cet esprit festif, champêtre. Complètement champêtre, alors là c'est le mot. Bon, en tout cas, merci de m'inviter, ça me fait très plaisir de participer à ça, en plus à l'épisode oublié de ma sortie, donc ça me fait c'est drôle de pouvoir revenir dessus en étant parmi vous. En plus, avec quelques mois maintenant de diffusion derrière, ça sera peut-être un regard un peu plus à froid. Complètement, avec de nouvelles perspectives, de visions différentes, parce que les choses ont évolué entre les candidats, même en dehors, donc c'est sûr que ça nous permet de voir les choses différemment. Nos intervenants, le premier, vous le connaissez bien évidemment, c'est mon associé, c'est mon numéro 1, c'est mon homme, mon associé. Je vous demande d'accueillir Damien. Salut Plantcaster, putain mais quel plaisir de revenir à Autour du Feu, là surtout en si bonne compagnie. Notre deuxième intervenant est une deuxième intervenante, et oui nous avons des filles ici, il n'y a pas que des hommes. Je vous demande d'accueillir Jules, salut Jules. Salut. Il s'agit de notre troisième intervenant, quel problème technique va-t-il avoir, on ne sait pas, c'est Juju, salut Juju. Bonjour à tous, bon si ça marche c'est tant mieux, je croise les doigts pour que rien ne me lâche. Billet sur l'humour dans Koh-Lanta à travers le personnage de Cyril. J'aimerais d'abord commencer par une réflexion personnelle, c'est que l'humour fait partie d'une des composantes de notre vie réelle, c'est-à-dire que ça fait partie de notre personnalité. Soit on a de l'humour, soit on n'en a pas, soit on essaye de l'être, et soit on est effectivement drôle, soit on ne l'est pas. Sur Koh-Lanta, forcément, ça peut arriver, il peut y avoir des situations où vous allez vous bidonner, il y a des situations où le rire peut créer un lien entre deux personnes. Moi, ce que j'aimerais noter, c'est que j'ai aucun souvenir montrant un candidat utiliser l'humour dans le jeu. Je vais prendre un exemple. Anthony de Palao, je ne sais pas si vous en souvenez, essayait de lier un peu les gens autour de lui en essayant d'être rigolo. Bon, ça a duré 2 jours, il s'est fait sortir après, mais c'était quand même quelque chose que lui avait pensé. Après, ça n'a jamais été vraiment utilisé comme étant une donnée stratégique primordiale. Et je ne pense pas que ça pourrait vraiment fonctionner. En général, ce qui fonctionne, c'est notre personnalité. L'humour peut faire partie de la personnalité, mais c'est la personnalité globale qui est renvoyée par la personne. Et si jamais ça passe, ça a du très gros résultat. Et je pense, Cyril, que ton personnage un peu sympathique, enfin ta personnalité en tout cas, t'a fait gagner des points parce que quand tu es arrivé dans la réunification, vous étiez que 3. Vous passez à 2 avec l'élimination d'Alex, et tu n'étais pas pour autant susceptible de partir juste après, du moins de ce qu'on a vu sur le montage des épisodes et de la saison jusqu'à la fin. On avait plus l'impression que tu étais la personne, non pas qui était utilisée par les autres comme nombre pour avancer, mais qui comptait pour les autres, pour leur aventure personnelle. Et du coup, c'est un attachement qui est beaucoup plus profond. C'est pas qu'un attachement qui est juste à but stratégique. C'est un attachement qui est à but social, à but personnel. Alors que toi, par contre, tu as sûrement dû ressentir une meilleure position dans le jeu grâce à ça, grâce aux autres qui t'ont approché, grâce aux autres qui t'ont fait confiance, tout ça. Donc, tu as dû, je pense, toi, en prendre conscience et améliorer ton jeu grâce à ça. Deuxième note sur l'humour, c'est que voilà, on peut s'enfermer dans cette image et devenir un peu le rigolo. Et là, c'est uniquement à travers les caméras. À travers les caméras, on va essayer un peu de provoquer certains moments pour essayer d'être mémorable, et faire en sorte qu'on s'inscrive dans une espèce de mémoire collantesque, non pas pour nos faits d'armes, mais pour des événements qui nous ridiculisent. Je vais prendre un exemple, Dylan et ses chaussures lors du premier épisode de Fiji, clairement, c'était fait exprès de faire parler de lui. Ça a fonctionné, il est passé un peu pour un Jean-Claude Duss fidjien et ça a apporté ses fruits, parce qu'après il est revenu, et maintenant il fait de la télé-réalité, tout ça. Et du coup, je pense que ce sujet-là, ce sujet de l'humour, permet à certaines personnes de surpasser les autres dans un but stratégique, mais qui n'est pas pensé à but stratégique. C'est un peu la nuance que j'aimerais apporter. D'autre part, le fait qu'on essaye à tout prix d'être sympathique fait que ça peut tendre vers une image de guignol ou de comique du dimanche qui nous desservirait. Et là, il y a d'autres exemples qui me viennent en tête, comme Hakim de Karamoan, qui, parce qu'il n'était pas foutu de retenir des prénoms, passait pour un peu un guignolo, et ça l'a déjoué, puisqu'il a beaucoup de chances de gagner sur la fin. Ou même, je pense à Christophe de la même saison. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Alors, je vais commencer par demander la réponse de Cyril. Cyril, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, alors, moi, clairement, l'humour, pour moi, déjà, ça fait partie, comme tu disais, de un petit peu comment tu ressens les choses, comment tu es au naturel. Et c'est un lien social hyper important dans l'aventure parce que, clairement, on n'est pas tout le temps en train de faire des trucs, on n'est pas tout le temps au taquet en train de courir partout. Et il y a beaucoup de moments de latence où il faut combler, il faut savoir aussi trouver ce que tu as, quoi faire un petit peu de ta journée. Et par exemple, moi, quand je fais la déco de la cabane, c'est parce que j'ai rien à faire et que moi, je suis pas du style à aller bronzer et à attendre que ça passe. Du coup, je m'occupe, en fait, tout simplement. Ça fait passer pour quelque chose de drôle. Moi, après, c'est mon métier. Je travaille dans la déco, je suis designer je crée des produits pour des marques de déco. Donc, forcément, moi, ça m'occupe. Et ça me fait faire quelque chose qui m'amuse. Évidemment, je le pense, quand je le fais, je me dis, ça n'a jamais été fait sur Koh-Lanta, ça peut être sympa, c'est télégénique, on va dire. Mais de prime abord, clairement, je pense que le lien social que tu crées par l'humour est très, très important. Si en plus, derrière, tu as l'empathie qu'il faut pour connaître les gens et arriver à rentrer dans leur cercle. Merci à toi pour ça. Jules ? Moi, je pense qu'au début, je pense que quand vous êtes encore nombreux sur l'île et tout, surtout qu'il y a, souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, il y a toujours une journée où vous êtes tous ensemble avant de constituer les équipes. Je pense que c'est là que ça peut faire la différence et qu'il vaut mieux passer pour le mec sympa que le mec stratège, ce qu'avait fait Victor et qui lui est complètement revenu à la gueule. Donc là, je pense que toi, c'est peut-être là que tu as marqué des points et les gens ont vu que tu étais quand même le type sympa. En fait, je te rebondis sur ça, parce que c'est vrai que nous, on a eu la chance d'avoir, c'est la seule fois, je crois, où il y a eu les 21 candidats qui étaient réunis avant de créer l'équipe, tu vois. Et moi, j'étais plutôt effacé parce que j'étais très impressionné et que justement, je ne voulais pas me mettre trop en avant. Je suis allé chercher l'eau parce que je me suis dit que c'était la seule chose facile à faire et que ça n'engageait pas grand-chose, mais que je savais qu'en plus, l'eau, c'était important pour Koh-Lanta parce qu'ils aiment ça. Donc, je me suis pas mis en avant et je n'ai pas essayé de faire rire. J'ai plutôt été dans la discrétion. C'est après que je me suis fait plus... quand j'étais dans un cercle où je me sentais plus à l'aise. Et moi, je pense que au début, peut-être que c'est plus facile de passer pour le mec sympa et marrant. Mais moi, je sais que, par exemple, quand j'ai faim, je suis incapable de produire aucune forme d'humour. Enfin, je sais que la faim, ça me... je suis plutôt irascible plus que drôle. Enfin, je vois au bureau, quand on approche midi et demi, je ne suis plus la même personne. Et donc, je ne sais pas si vers la fin, tu es arrivé encore à faire marrer les gens, en fait. En fait, moi, c'est l'inverse, on va dire. C'est, plus on avançait, plus je me sentais bien, moi. Mieux j'étais. Mais c'est, les premiers jours sont durs au niveau de la faim. Mais après, moi, je sais pas, mon corps, c'est, alors que je suis comme toi, hein, c'est-à-dire qu'au bureau, il faut que je bouffe, tu vois, à 10h, il faut que j'ai une petite collation. Avant midi, je suis au taquet. Et j'avais vraiment une grosse peur de ça par rapport à l'aventure. Et en fait, quand je suis arrivé sur place, bah, mon corps s'est très vite mis, tu vois, comme tout le monde. Ça s'est adapté et je crois que c'est avec Claude, on était les seuls à pas avoir souffert de la faim en fait. On n'avait pas spécialement faim. Tu vois, on avait envie de manger, tu vois, bien sûr. Hein, tu m'aurais proposé un cheeseburger, j'aurais pas dit non. Mais j'étais pas en boucle sur la bouffe, quoi. Ok, ouais, comme beaucoup peuvent l'être, surtout vers la fin. Ben, demande à Nicolas, tiens. D'accord, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. D'accord. Moi, je pense que c'est clairement un gros avantage de faire preuve d'humour parce que dans la vie comme dans le jeu, je pense qu'il y a peu de personnes qui n'apprécient pas l'humour. Du moins, si c'est bien senti, si c'est un humour subtil et pas des blagues de gros beauf, parce que ça, effectivement, si t'as quelqu'un qui fait des blagues de papa toute la journée, ça peut vite devenir un peu fatigant. Mais savoir être fin, savoir faire marrer les gens de manière subtile, ça c'est un énorme atout. Et je pense, surtout pour t'intégrer dans un groupe, au début, de façon à briser la glace, parce que je pense que quand t'arrives sur Koh Lanta, il y a forcément un aspect hyper étrange de te retrouver avec une dizaine ou une vingtaine là, d'inconnus. Et s'intégrer à un groupe par le biais de l'humour, je pense que ça peut vachement aider. Même si toi, Cyril, tu dis que tu as eu plus de mal quand vous étiez beaucoup et qu'il a fallu que tu attendes d'avoir un petit cercle un peu plus restreint où tu te sentais plus à l'aise. Pour revenir à ce qui a été dit, alors, je donnerai la parole à Damien après, mais il y a un exemple qui me vient en tête. Alors c'est pareil, c'est une précédente saison, c'était Patrick de Palao. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais son duo perfide, on va dire, avec Isabelle, il avait pris le dessus car parce que justement son aspect comique le rendait plus sympathique qu'Isabelle, alors que les deux étaient très engagés dans le combat stratégique et étaient mal vus pour ça. Patrick avait la personnalité qui lui permettait de prendre le dessus, et c'était sa personnalité, un de ses aspects numéro un de sa personnalité, c'était son humour, le fait qu'il mettait l'ambiance sur le camp, tout ça. Et du coup, j'aimerais quand même mettre en avant le fait que utiliser l'humour parmi un de ses aspects de sa personnalité, le mettre en avant, c'est quand même un moyen de l'emporter ou du moins d'avoir des chances de l'emporter. Donc, c'est peut-être pas une stratégie viable, c'est peut-être pas quelque chose même de stratégique, mais le fait que, par exemple, on va peut-être pas se retenir pour faire une blague, on va peut-être insister en faisant d'autres, ça peut tout de même emmener les gens là où tu veux qu'ils aillent et ça peut avoir des résultats bons sur la suite. Damien, ton avis, s'il te plaît. Donc, en gros, pour moi, l'humour, c'est un vrai lien social et c'est une vraie preuve d'intelligence sociale. C'est l'humour, qu'est-ce que c'est sinon prendre vraiment le contexte, prendre les gens et savoir dire la bonne chose au bon moment. C'est pour moi, justement, quand c'est bien fait, c'est quelque chose qui peut vite marcher, qui peut vite être efficace. Alors, je vais prendre un exemple étranger. C'est sur la saison 6 de Survivor, bon, qui remonte maintenant parce que c'était en 2003. C'est le fameux Rob Sistermino, qui maintenant a d'ailleurs un podcast aux États-Unis, qui était ce New-Yorkais de 24 ans, un peu gauche, un peu gaffeur, mais qui était un stratège redoutable, mais qui endormait ses coéquipiers grâce à ses blagues, grâce à son côté très rigolo. Ça, on peut s'en servir vraiment pour avoir une avancée dans le jeu stratégique et pour endormir la confiance. Après, autre exemple, ce coup-ci français, de blagues mais vraiment beauf, et du coup ce qui avait un petit peu valu son élimination, on va remonter très loin, c'est Jackie de la saison 2, qui portait bien son nom d'ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était quelqu'un qui il avait 29 ans à l'époque, enfin c'était quelqu'un qui aimait bien faire des blagues un petit peu lourdes et tout, donc ça amusait les gens vite fait, puis ça les a vite agacés, et il a fini par se faire éliminer deux fois de suite. Donc voilà, c'est l'humour pour moi est vraiment un moyen d'intelligence sociale. Et je pense que Cyril, de ce qu'on a vu un petit peu sur ce que tu as fait, il y avait vraiment ce dosage. C'est un humour qui était très fin. J'ai beaucoup d'humour, c'est vrai. Non, mais franchement, je clair. En fait, il y a des gens qui ont la capacité de faire de l'humour dans des circonstances comme celle de Koh-Lanta, d'autres qui sont trop ancrés dans le jeu pour pouvoir avoir le recul nécessaire. Donc, en fait, il faut avoir une sorte d'alchimie qui est très, très subtile pour pouvoir être drôle, faire rire les autres et se sentir à l'aise. Donc, tout ça pour dire que je suis d'accord avec Damien, je pense que c'est un lien social hyper important qui peut te faire vraiment avancer. Si tu n'es pas derrière stratège et que tu fais là que pour faire les blagues, ça ne marchera pas. Mais aussi avoir ce recul nécessaire pour pouvoir faire rire les autres dans des circonstances qui sont quand même rudes, ça peut vraiment te faire aller plus loin et faire avancer. Moi, je pense que sur la réunification, clairement, ça m'a beaucoup aidé. Et il n'y a pas eu que ça, mais je pense que notre aspect social avec Maud nous a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, pour moi, les deux meilleurs joueurs de cette saison, c'était Cindy et toi. Et votre deux, vraiment la grande force de tous les deux, et ça je l'avais dit dans un précédent podcast, c'est que vous preniez le jeu au sérieux sans vous prendre au sérieux. Et ça, c'est hyper important parce que beaucoup de candidats se mettent une pression énorme. Parce que c'est la pression un petit peu du mythe de l'aventurier, du héros, la pression aussi de faire plaisir un petit peu à sa famille, de montrer une bonne image. Et souvent, on peut voir des candidats qui doivent se sentir, je pense, un peu écrasés par cette pression. Et voir de la légèreté, justement, ça changeait, c'était rafraîchissant. Et c'est ce qui vous a permis à tous les deux d'aller très loin, je pense. Et bien, tu vois, je vais prendre un exemple, c'est celui de Xavier, par exemple, qui, sur l'aventure, avait besoin de prouver à ses fils voilà, ce qu'il était, comment il était. Il avait une ligne de conduite très drastique. Et il était limite un petit peu, je dirais pas chiant, mais pas loin, quoi. Un peu trop linéaire. Et maintenant, je le côtoie en dehors, et c'est quelqu'un mais d'extraordinaire, d'une drôlerie incroyable, hyper extraverti, extravagant, alors que moi, sur l'île, j'avais pas du tout cette image-là de lui, quoi. Et lui, je pense qu'il avait eu justement ce syndrome de la pression de l'aventurier. Je vais prendre quelques commentaires du chat. Alors, j'avais posé la question sur le chat si l'humour était une stratégie viable. Il y a eu quelques réponses. Alors, selon Grumeau, c'est une stratégie très efficace d'utiliser l'humour, mais que les personnes qui n'ont pas un grand sens de l'humour peuvent te trouver faux. Mais je pense qu'il y a des personnages aussi, tu vois, qui ça les décrédibilise d'eux-mêmes. Je pense à Fred, qui est vraiment un personnage, une personnalité très typique. Et je pense que ça l'a décrédibilisé aux yeux des autres bleus. Plein nous dit que c'était la stratégie de André dans Koh-Lanta Fiji et qu'il avait gagné grâce à ça. Alors, je ne me rappelle plus trop de Fiji, mais il y avait d'autres paramètres. Ouais, c'est vrai qu'André était très sympathique. Ouais. Je pense que c'est une stratégie viable quand ce n'est pas forcé. Et Skurns nuance un peu le tout en disant que ça ne peut pas être stratégie parce que c'est ta personnalité de base et que l'humour est un truc naturel. Tu vas pas dans le jeu en disant « pour gagner, il faut que je sois drôle ». C'est pas le Jamel Comedy Club, quoi. On va passer au prochain sujet, à moins que vous ayez quelque chose encore à dire. Je n'ai rien, juste, il y a quelqu'un qui a dit le sens de l'humour est naturel, mais on peut choisir de l'utiliser. Ben, c'est ça, en fait. Je pense qu'il y en a qui sont drôles naturellement, mais qui sont dans une optique de Koh-Lanta et du coup qui sont très sérieux, même on l'a vu aussi avec Maxime, qui, quand on lui a dit qu'il était chiant, après il avait fait des efforts pour être un peu plus léger, quoi. Après, si tu l'as pas l'humour, tu l'as pas. C'est sûr que tu peux pas jouer avec, quoi. On va passer à la prochaine ouverture. C'est à Damien de nous la faire. Donc Damien va parler et va nous parler du jeu social de Steve par rapport à celui de Cyril. Alors c'est vrai que Cyril est notre invité, mais on va quand même se servir du jeu de Cyril pour le comparer à un autre jeu, celui de Steve. Et Damien va faire la comparaison entre Steve et Cyril à travers l'angle de notre amour pour les outsiders. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a longtemps pensé que Cyril avait le meilleur jeu social alors que c'était peut-être Steve qui avait le meilleur? Damien, on t'écoute. Alors on est fin octobre et ça fait maintenant 4 mois que t'as été éliminé, Cyril. Et en me replongeant dans l'épisode de ton élimination, un doute me prend. À l'époque, ici à Autour du Feu, on t'avait encensé, on avait dit que t'avais produit ni plus ni moins que le meilleur jeu social de tous les temps dans Koh-Lanta. 4 mois après, je te le dis, je pense qu'on avait tort. Après que tu sois allé chercher les courriers avec Steve... La claque. Waouh. Ah oui, ah, là tu vacilles, là. Après que tu sois allé chercher les courriers avec Steve, on a encore vu Nicolas se plaindre, mais cette fois pour te maudire, et surtout, on a vu Mohamed donner l'impression de vouloir t'arracher la tête à chaque fois que tu lui adressais la parole. T'avoueras que niveau social, c'est pas fifou. D'ailleurs, le jury a littéralement été glacial avec toi après ton élimination. Après 4 mal au recul, je pense que t'es tombé sur encore plus monstrueux que toi. Un niçois au slip sur la tête, le sosie de Richard Boringer, notre ami Steve, le travailleur social. Réfléchissons-y. Ciment social d'une équipe jaune divisée, jamais visé par les votes, il déplace adroitement la cible sur toi lors de l'épisode des courriers alors que les torts étaient partagés. Alors ok, il nous a beaucoup fait rire avec ses punchlines, mais son jeu social a été efficace puisqu'il a terminé à un poteau de la victoire. Alors pourquoi est-ce qu'on a été aussi aveugle ? C'est humain, on aime bien les jolies histoires, et surtout les histoires d'outsiders, ces gens qui reviennent du diable vauvert et qui arrivent à s'imposer à force d'astuces et de malice. Maud et toi, c'est l'Islande à l'Euro 2016. Les outsiders sympathiques qu'on veut voir aller loin, éliminer ces bleus arrogants et ces jaunes insipides, et les laisser décider entre vous deux en finale, c'est ça qu'on voulait, nom de Dieu. Puis, en y réfléchissant davantage, je me suis rappelé d'une anecdote personnelle. Il y a 10 ans, j'étais arbitre de foot officiel pour mon club, et un de mes formateurs m'avait dit ceci. Le match parfait pour un arbitre, c'est quand personne n'a remarqué ta présence. Et pour moi, Koh-Lanta et le jeu social, c'est pareil. Le meilleur jeu social, c'est quand personne ne se rappelle que tu es un candidat à la victoire et que tu passes entre les gouttes, ce que toi, Cyril, t'avais réussi à faire jusqu'à ce funeste épisode des courriers où Steve t'a doublé. Mais cette semaine, j'ai revu l'épisode de ton élimination. Lorsque tu as tiré la boule noire lors de ton ultime coup de poker, tu as eu cette phrase lumineuse, j'ai voulu partir avec panache. Le panache, c'est ça. C'est ça qui te rendait si appréciable, cette manipulation de dernière minute sur Cindy, ce mini sursaut d'orgueil, cette malice qu'on avait entrevue pendant la réunification. Pour résumer, si Steve a eu le jeu social le plus efficace, toi t'as eu le jeu social le plus spectaculaire, ta chute t'a rendu humain, et est-ce qu'elle n'est pas là la vraie belle histoire ? Oh, attends, j'applaudis. Oh là là, c'est... C'est drôle parce que moi je lisais beaucoup Big pendant, la diffusion, ça me plaisait beaucoup de voir vos réactions, c'était très drôle. Et quand je voyais que vous mettiez que j'avais le meilleur jeu social, je me disais, mais est-ce qu'ils n'ont pas vu Steve ? Est-ce qu'il y a un truc qui leur a échappé, je pense ? Et après, je me dis aussi, comme oui, moi je suis un outsider, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix. Tout ce que je fais, évidemment, j'ai envie de jouer. Moi, je suis venu pour jouer, je ne suis pas venu pour juste regarder les épreuves passer. Mais j'ai pas le choix de faire ce que je fais si je veux avancer. Steve, lui, il était dans une situation beaucoup plus confortable. Alors, est-ce que si on avait échangé les rôles, ça aurait été la même chose ? Je saurais pas le dire. Mais je serais pas resté aussi discret que lui, je pense. J'aurais quand même voulu faire des stratégies, même si j'avais été chez les jaunes. Mais est-ce que lui aurait réussi à s'en sortir aussi bien que moi ? Ça, je ne suis pas convaincu à 100%. Donc, ouais, moi, je le dis depuis le début, je pense que Steve a eu le meilleur social, clairement, de l'aventure. S'il arrivait au poteau, si Cindy ne l'a pas choisi, alors que c'était son coup de cœur de l'aventure, soi-disant, c'est évidemment parce qu'elle savait qu'elle perdait. Et on savait tous qu'on perdait contre Steve. D'où aussi ma réaction quand je vois qu'il arrive au jury final en troisième position. Je rigole parce que, honnêtement, je me dis, mais... C'est génial, ça veut dire que tout est encore ouvert et que Maud ou Cindy peuvent gagner, mais l'une ou l'autre m'allait, mais du moment que c'était pas lui, quoi. Ton avis là sur la chose ? Oui, je suis pas d'accord en fait, enfin, vraiment, alors c'est peut-être le cas hors caméra, hein. Moi, je sais qu'on voit pas tout dans Koh-Lanta, mais moi Steve je le vois plus comme un vieux type un peu sympa, complètement à la ramasse. Enfin, sur les épreuves individuelles, il est quand même pas très performant. Je pense que c'est pour ça, en fait, que les votes se dirigeaient pas sur lui. Alors certes, il avait le collier de Béatrice qui l'aidait à avoir un peu plus confiance en lui. Je pense qu'effectivement, il devait bien discuter avec tout le monde et que ça, c'est vrai que c'est nécessaire, il faut savoir le faire et tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Mais je reste quand même sur Cyril pour le meilleur jeu social, parce qu'il a réussi à conserver son social alors qu'il était en position vraiment pas terrible en arrivant à 3 rouges dans la tribu réunifiée. Et comme disait Cyril, est-ce que Steve, dans la même position, aurait réussi à faire pareil ? Et pour moi, quand on voit, quand vous allez chercher les lettres et que vous cherchez des amulettes. Moi, il m'énervait, en fait. Enfin, il m'énervait trop, il ne trouvait rien, il ne faisait pas d'efforts, il était agacé. Mais un, moi aussi, un peu, oui. Je t'assure. Et donc, du coup, alors, oui, il a un bon social, ça, je ne le remets pas en question, mais il n'a, pour moi, il n'a pas le meilleur social. Voilà, le meilleur social, c'est d'avoir tellement bien discuté comme ça avec vous que la personne qui arrive, qui gagne les poteaux et qui est face à elle, eh ben, elle te prend quand même parce qu'elle t'adore. Pour moi, c'est ça le meilleur social. Voilà. C'est vrai. Moi, je suis un peu embêté. Je ne sais pas qui de Steve et de Cyril a le meilleur jeu social. Ce que je sais, en un sens, c'est que Cyril est plus likable que Steve d'un point de vue spectateur parce que son jeu est plus chatoyant. C'est sûr que Steve nous fait un peu... Il ne nous fait pas chier, mais il nous amuse moins. Là où Cyril, sa bonne humeur... son humour fait que bah ouais, et son histoire d'outsider font que on est pour lui. Steve, lui, il a peut-être une approche un peu plus rationnelle du truc. Et je rejoins un peu ce que Cyril disait. Steve, oui, il a un jeu social redoutable. On l'a pas vraiment vu, cela dit. On l'a beaucoup moins vu que toi. Et donc il y a peut-être aussi un rôle du montage qui nous montre plus le candidat pétillant, oui. Avec un tropisme de l'outsider, de l'underdog. Et je me pose la question, est-ce que c'est une mentalité française ? Parce que Damien faisait le parallèle avec le sport. Effectivement, en sport aussi, on est souvent pour les petits, on salue les exploits des clubs amateurs face aux clubs pro. Et ça serait intéressant, je pense, de voir, j'en ai aucune idée, mais ça serait intéressant de voir si aux États-Unis, les histoires d'underdogs dans Survivor bénéficient du même amour ou si c'est plus partagé, s'il y a plus de gens qui routent pour ceux qui sont en contrôle. Je sais pas. C'est vraiment la même chose. Quand on préfère tous un underdog. Les histoires d'underdogs sont en général plus intéressantes que les histoires des gros poissons parce que les underdogs sont ceux qui peuvent renverser la hiérarchie alors que les gros poissons sont dominants du début à la fin. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le gros poisson dégage pour qu'il y ait un peu plus d'intérêt. Et là, l'avantage des underdogs, c'est aussi qu'on peut tenter des choses, plus tenter de choses, parce qu'on a une liberté, puisqu'on n'a pas le choix, oui, c'est ça. Et que c'est plus spectaculaire. Ouais, et c'est beaucoup plus accepté par les autres candidats et par le public. Oui, Maxime qui tente des plans, ça n'aurait pas du tout été accepté. Ouais, il l'a fait, c'est pas gêné. Ouais, mais bon. Moi, la question de qui a le meilleur social entre Steve et Cyril, alors j'ai envie de faire mon casse-couille et de répondre Maud, et je le pense un petit peu que Maud avait un excellent jeu, mais je vais quand même rester sur les deux propositions, et je vais quand même dire Steve. Pourquoi ? Parce que déjà, Steve et Cyril ont eu une aventure différente. Vous allez me dire c'est impensif, mais il faut bien commencer par là. Cyril, tout le jeu avant la réunification, c'est conseil sur conseil sur conseil sur conseil. Quand tu fais un conseil, tu dois prendre position, tu dois faire des votes, tu dois éliminer quelqu'un. Pour éliminer quelqu'un, il faut planter des graines, dire ce qu'on pense de telle ou telle personne, se rapprocher, faire des alliances. Ça inclut donc toute cette partie un peu sombre du jeu que nous on adore, qui est tout ce qui va être stratégie, manipulation, magouille ou même plus, si on aime creuser là-dedans. De plus, cette tribu a quand même perdu un très gros personnage avec Victor dès le début, ce qui a quand même lancé le jeu et qui a créé des tranchées au sein de l'équipe, avec d'un côté... Maud, Alex, Cyril, de l'autre Xavier, Émilie et Chloé qui était un peu dans le No Man's Land qui du coup était certes dans un... Non, Chloé était clairement avec nous. Hein. Ouais, mais au final, vu qu'elle s'est fait éliminer avant Xavier, on peut se dire qu'elle était peut-être un peu plus décalée, non ? On a éliminé Chloé avant Xavier parce que c'était une logique si on voulait pas se retrouver à trois. Oui, voilà, c'est ça. Et puis surtout que Xavier a eu l'intelligence de se réaxer après l'élimination de ses deux alliés. Ce qu'elle n'a pas eu, Émilie, quand elle a vu que Victor partait, elle a commencé à péter les plombs, quoi. Et du coup, je vais revenir du coup sur ce point-là, donc 4 contre 2. Et du coup, ça a créé, après c'est le point elle-même, ça a créé donc, des tensions qui ont été un peu compliquées à effacer. Et sur le long terme, ça a créé ce décalage entre les anciens rouges et les anciens jaunes et les anciens bleus qui étaient évidemment supérieurs. Et donc, les anciens rouges ne pouvaient être que underdogs, que les non-favoris qui peuvent le devenir si jamais ils arrivent à renverser la hiérarchie. Et dans Koh-Lanta, c'est quand même assez rare de renverser la hiérarchie, sauf pour quelques exceptions. Cette saison en était une parce qu'on avait trois équipes qui se rendaient à une réunification. Donc les intérêts de chacun et de chacune variaient. Et vous les avez très bien utilisés. Et ça là-dessus, c'est. On va pas revenir là-dessus. Pour ce qui est de Steve, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le lien social entre tous les jaunes et ce qui fait que les jaunes ont évité quasiment tous les conseils, c'est lui. C'est lui qui tient les jaunes, c'est lui qui réunit tous les jaunes autour de lui, et non Béatrice qui est un petit peu la capitaine désignée et pas la capitaine naturelle. L'argument qui me fait tenir cela, c'est que quand Béatrice est éliminée, elle donne le collier à Steve. Elle aurait pu le donner à n'importe qui d'autre, elle le donne à Steve. Et ça, le collier, ça a sécurisé la place de Steve tout au bout. Et il a pu facilement créer des petites tensions entre les autres en étant un peu filou. Je repense aux lettres où il t'a clairement plombé, selon moi. Je repense également aussi aux petites punchlines qu'il avait balancées, que ce soit contre Nicolas, que ce soit contre Mohamed, tout ça. Où il avait su plus ou moins les remettre dans les cordes sans pour autant montrer une opposition entre eux, alors que toi, tu étais plus dans l'opposition, tu étais contre Mohamed, plus ou moins Mohamed est contre toi, donc toi, par conséquent, tu étais contre lui, et il en fallait qu'il y en ait un des deux qui parte, et lui a su voguer entre plusieurs flots, et ça lui a permis de bien manœuvrer jusqu'au bout du bout du bout, où sur les poteaux, il n'avait juste aucune chance de s'en sortir. Donc voilà pour moi la petite différence qu'il y a entre vous deux, mais elle est infime. Et après moi, j'ai découvert aussi ce qu'avait fait Steve en regardant les épisodes. Hein. J'ai pas conscience quand je suis avec lui sur les lettres que qu'en fait il ne me défend pas parce que ça l'arrange en fait de pas se mettre en avant et de me laisser prendre la sauce de Nico et Mohamed. Donc ça j'en ai pris conscience après en regardant. Quand je suis dans l'action, je ne réalise pas ça parce que on peut se dire ouais clairement ça a été ma plus grosse erreur d'aller chercher le courrier, mais j'avais envie de le faire, ça m'excitait de faire cette traversée, voilà, c'est peut-être une faute de ma part. J'aurais dû être plus discret à ce niveau-là et laisser partir quelqu'un d'autre. Mais bon, en même temps, j'étais un des meilleurs nageurs. C'était un peu compliqué j'ai un des plus en forme. Donc, c'est un peu plus compliqué de dire non à ce moment-là. Damien voulait dire quelque chose. Donc, Damien, hop, vas-y. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que cette saison, ce qui avait d'intéressant avec la dynamique des chefs, c'est que la saison a réussi à ceux qui étaient les chefs de l'ombre. C'est-à-dire, bon, Steve, évidemment. Maud et Cyril, bon pareil, parce que je sais que Maud, par exemple, avant la réunification, était vue vraiment comme une grande aventurière et a eu l'intelligence vraiment de ne pas briguer le poste de chef. Et j'en parlais chez les Bleus, où c'était, bon, même s'il y avait un groupe derrière Maxime, c'était vraiment plus les outsiders avec Cindy et Frédéric, malgré son élimination. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur jeu social a été pour les gens qui avaient su se placer dans l'ombre du chef, mais qui étaient quand même les chefs officieux, si je peux dire. C'est intéressant. On va passer à l'ouverture numéro 3, qui va être faite par Jules. Jules qui va nous parler donc de Cyril, hein, comme depuis tout à l'heure, et qui s'est posé une question très simple. Cyril, est-ce un stratège ou un manipulateur? Jules, c'est à toi. Quelque chose a vraiment retenu mon attention suite à ton élimination, déjà j'étais dans tous mes états, j'étais dégoûté. Mais en plus, il y a Cindy qui a fait une réflexion comme quoi tu avais manipulé ses sentiments. Et j'ai trouvé ça un peu culotté de sa part. Donc déjà, on va partir sur qu'est-ce que la différence entre un stratège et un manipulateur. Alors le stratège, c'est une personne habile à élaborer des plans et à diriger une action dans un but précis. Un manipulateur, c'est une personne utilisant et détournant certaines règles et normes sociales partagées pour son profit personnel. Donc la ligne entre les deux est très mince, hein, on peut vite basculer de stratège vers manipulateur. Donc déjà, pour savoir si tu étais un bon stratège, vous arrivez, vous êtes trois rouges, puis deux rouges. Et d'épisode en épisode en épisode, tu es toujours là. Au moment où tu es en danger, tu arrives à sortir ton collier d'immunité au bon moment pour sortir Mohamed. Donc Mohamed Idol Out, c'est vraiment la preuve ultime que tu es un bon stratège. Et si les gens t'ont éliminé aux portes de la finale, c'est que tu étais perçu comme quelqu'un de stratège et que tu faisais peut-être peur. Enfin, quand on est trop stratège, enfin, quand la stratégie est perçue par les autres membres de l'équipe, ça représente toujours un danger. Et ça, c'est sûr et certain. Alors, manipulateur, historiquement, dans Koh-Lanta, qui a été le plus grand des manipulateurs? Pour moi, hein, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, c'était Nicolas de Koh-Lanta 2, qui a vite compris le système de GOAT, avant même que ça n'existe dans la définition qu'on connaît aujourd'hui. Il a préféré amener à la finale vers lui, enfin, éliminer les forts de son équipe et pour conserver les faibles de l'équipe contre laquelle il était. Et ça, c'était un peu de la manipulation, puisqu'il faisait croire à son équipe que c'était bon, qu'ils iraient en finale avec lui. Or, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Donc, il est passé pour un manipulateur, mais ça lui a valu de revenir dans un All-Star. Donc, il a marqué les esprits. Alors, Cyril manipulateur. Donc, il demande apparemment à Cindy de ne pas voter contre lui, et ainsi, il provoque l'égalité, mais malheureusement, il finira par se faire sortir par le tirage de la boule noire. Mais Cindy, quand elle a menti à Cyril lors de l'élimination de Mohamed, était un petit peu manipulatrice aussi, donc je pense que un partout la balle au centre. Pour moi, Cyril est un stratège, mais je ne l'ai pas trouvé plus manipulateur que ça. Donc, je terminerai par une question. Tu étais très très très proche de Maud. C'était ce qu'on appelle, dans le jargon, c'était ton strong. Est-ce que tu l'aurais trahi si le jeu l'avait nécessité? Alors, bon, déjà, merci pour cette analyse. C'est intéressant parce que moi-même, je me posais la question. Et des fois, c'est tellement fin comme différenciation que je ne sais pas moi-même répondre forcément à ça, si j'ai été stratège ou manipulateur. Je pense que j'ai été un peu manipulateur, on ne va pas se mentir non plus, avec Cindy, mais comme tu l'as dit, elle ne s'est pas cachée non plus d'avoir fait des choses contre moi, donc voilà, c'est un partout. Pour ce qui est de Maud, en fait, très clairement, on a très vite compris que ça se jouait entre Maud, Claude et moi, et que une des possibilités que j'avais, ça aurait été de retourner tout le monde contre Maud et de dire bah ouais, mais Maud elle est faible, machin, enfin elle tient plus la route, elle divague, machin. Enfin, j'aurais pu, je sais pas, monter quoi que ce soit pour essayer d'avoir les uns ou les autres qui se retournent contre Maud, mais c'était simplement pas envisageable en fait. Je pouvais pas. Évidemment, j'ai envie de gagner, mais j'ai pas envie de gagner en enlevant. C'était pas possible, c'était inenvisageable. On m'a déjà posé la question par rapport à. J'avais vu des questions passer par rapport à Aurélien, qui était un nouveau dans mon alliance, on va dire. Aurélien, oui, j'aurais pu voter contre lui, j'aurais pu faire des choses contre lui pour passer outre, parce que c'était pas. Mais il était immunisé. Mais là, il était immunisé, donc oui, mais je pense que c'est lui qui aurait sauté si j'avais pas. Voilà, si ça n'avait pas été le cas. Mais en tout cas, Maud, c'était plus possible, en fait. On était à un niveau où c'était plus envisageable. D'accord. Bon, bah, merci de ta réponse. C'est bien ce que je pensais, donc ça me rassure. On va passer à la réponse de Juju. Juju, t'en penses quoi? Moi, au départ, je voyais pas trop l'intérêt de la question stratège ou manipulateur, parce que pour moi, être stratège, c'est forcément être amené à un moment ou à un autre à manipuler les gens et à mentir. Si on veut, en fait, stratège et manipulateur, ce sont deux regards, un négatif et un positif, qu'on peut porter sur un même type de comportement. Et à la rigueur, si on veut vraiment, vraiment faire une différence, je pense que le stratège fait ça pour un but précis. Je me souviens plus exactement des définitions que tu donnais, Jules, mais je crois qu'il y avait le but précis, c'était un élément de la définition du stratège. Et là, en l'occurrence, dans l'épisode qu'on analyse, Cyril, tu fais preuve de manipulation pour sauver tes fesses, donc pour un but précis, donc c'est de la stratégie. Je vois ça comme ça. Tandis que le manipulateur, et c'est le côté plus péjoratif, c'est qu'il peut aimer peut-être manipuler juste comme ça pour éprouver une sorte de sentiment de puissance. Parce que c'est sûr que mentir aux gens, Et réussir à mentir, ça peut faire éprouver un sentiment de puissance, j'imagine, en un sens. Mais ce n'est pas du tout le cas de Cyril. Enfin, je ne le ressens pas du tout comme ça quand je regarde la saison. Bah, en fait, moi, je me dis, là, dans ce que tu dis, finalement, et je pense que c'est ça un petit peu, c'est tu es stratège quand tu veux te sauver, mais tu es manipulateur quand tu veux éliminer quelqu'un d'autre, en fait. Il y a un petit peu de ça, quoi. C'est-à-dire que tu manipules les autres pour éliminer quelqu'un qui, finalement, toi, tu n'étais pas forcément en danger, mais tu le fais pour éliminer un autre. Alors que stratège, parce que tu n'as pas le choix, sinon c'est toi qui saute. Ouais, ça, c'est pas mal comme différenciation. Et moi, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est que c'est vrai qu'on fait souvent la dissociation entre stratège et manipulateur, mais dans le but vraiment du jeu... Moi, je parlerais vraiment de stratège, c'est-à-dire que tu veux contrôler les votes, tu essaies de retourner un peu ton monde, mais tu contrôles toujours les votes. Pour moi, la manipulation, il y a un côté tromperie dans l'image, tromperie dans la présentation de soi-même. Et moi, comme exemple qui me vient en tête, c'est tous les candidats qui, devant les caméras, se sont présentés comme étant des gens très bien, imperméables à toute influence, aux valeurs exceptionnelles et intransigeantes, mais qui, au final, participe au jeu en dehors des caméras, donc en dehors du jugement, donc en dehors de tout jugement qui peut être fait par des gens extérieurs. Et là, je pense aux spectateurs, par exemple. Alors que toi, t'as pas hésité à montrer devant les caméras ton côté joueur. Et c'est pour ça que moi, je te considérerais pas comme un manipulateur, même si certaines actions que tu as pu faire peuvent être comprises comme, parce que toi, tu as eu le mérite d'assumer devant les caméras, donc devant que tu étais quelqu'un là pour jouer. C'est également le cas de Cindy, c'est le cas de Maud. C'était un peu le cas d'Aurélien sur la fin, mais il y a d'autres personnes qui, elles, sont souvent manipulateurs parce qu'ils n'étaient pas ce qu'ils se prétendent être et qu'ils ont gagné énormément de popularité grâce à ça. Et là, comme exemple de candidat à Koh-Lanta, vous en avez des 100 et des 1000, hein, pas la peine de citer de nom. Mais oui, après, je pense aussi que la production, tu vois, n'a pas montré le côté stratégique, dans le sens où moi, quand j'ai voulu faire cette égalité, j'ai appelé ça la stratégie du zèbre. Et je leur ai expliqué toute ma stratégie du zèbre. Tu vois que c'était la boule blanche et la boule noire, donc blanc et noir zébré. C'est pour ça que je l'avais appelé la stratégie du zèbre. Mais ils l'ont pas du tout évoqué parce que je pense qu'ils voulaient pas me faire passer pour trop stratège. C'est aussi le tournant que prend ALP aussi avec Koh-Lanta, où la stratégie n'est pas un vilain mot, mais on ne va pas non plus trop axer dessus. C'est intéressant, ça. Ben, oui, je suis assez d'accord, et on va finir là-dessus sur le point de vue de Damien. Donc Damien, nous t'écoutons. Moi, en gros, je suis assez quand même d'accord avec tout ce qui s'est dit là. Que le manipulateur, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très péjoratif, parce qu'on s'imagine que c'est quelqu'un qui a soif de pouvoir. Et comme disait Cyril, en gros, le stratège se sauve, le manipulateur veut le pouvoir. Et pour moi, être stratège, c'est vraiment savoir un petit peu... aussi, il y a une dimension peut-être plus passive, hein, c'est pas le bon mot en fait. Parce que c'est vraiment être capable d'analyser les comportements sociaux et d'analyser un petit peu la manière dont ça bouge, dont ça évolue, et savoir se placer un petit peu entre tout. Donc savoir écouter, et c'est ensuite, en ayant toutes ces informations, qu'on peut tenter justement d'influencer et de savoir justement quelle est la bonne manivelle un petit peu à activer chez les gens pour qu'ils puissent vous suivre. Je sais que... Par exemple, j'imagine qu'il y a des candidats, si vous leur parlez de leurs enfants, c'est plus facile. Après, je sais pas, ça dépend des gens. Moi, je sais que je pourrais pas trop faire ça, parce que là, ça touche à des sujets qui me plaisent pas trop. Mais quelqu'un qui aurait peut-être moins de scrupules, ça peut être une manivelle à activer, oui. Alors, on va prendre des commentaires qu'il y a eu dans le chat, selon donc tout ce qui a été dit. Il y a eu un gros débat là, entre Skurns et Ozzy, notamment, qui expliquait justement l'image du manipulateur. Ozzy qui disait que tu peux juste être stratège en ne mentant pas et en jouant tactique sur tes votes, ce qui peut arriver. Hein. D'autres quand même qui estiment que tu peux pas ne pas te servir des gens, que c'est indissociable dans Koh-Lanta. Et je vais terminer par un commentaire de Koala qui nous dit que les pires manipulateurs, c'est la production. Non, de manière générale, c'est vrai que le montage est aussi une manière de manipuler un peu sa saison, hein, ce qui est tout à fait normal, c'est que tu dois présenter des personnages, donc forcément tu dois choisir les moments qui correspondent à ce que tu veux. Donc ça me paraît tout à fait normal que la production coupe certains passages afin de créer non pas la situation la plus réelle possible, mais des personnages qui s'imbriquent dans une espèce de série TV dont le but est de provoquer du divertissement. Nous avons fait 3 ouvertures sur 4. On va faire la quatrième et c'est à Julien, donc Juju, de nous la faire. Et Julien a décidé d'axer son ouverture sur l'importance du long terme. Julien, on t'écoute. J'ai décidé de parler du long terme parce que pour moi, cet épisode qu'on débriefe aujourd'hui, il démontre parfaitement l'exigence que requiert Koh-Lanta et la complexité qu'il y a à gagner ce jeu. Parce qu'il montre qu'on peut avoir le meilleur social du monde comme Cyril, ou être une bête sur les épreuves comme Maxine, ça ne va pas être encore forcément suffisant. Et de plusieurs façons, il souligne du coup l'importance de jouer long terme. Je crois que c'est Frédéric qui le souligne dès le début de l'épisode, quand Maxime arrive à la résidence du jury final, que Maxime, il a fait peur à tout le monde en gagnant toutes les épreuves. Et ça a fait qu'à la première occasion qu'ils ont eue, les autres ne l'ont pas épargné. Alors, ok, il y a eu son attitude aussi qui l'a vachement desservi, mais le fait est que, pour moi, Maxime n'a pas su jouer long terme. Alors de là, est-ce qu'il faut faire exprès de perdre des épreuves? Ça me tue un peu de le dire, parce que c'est vraiment pas ma mentalité, mais je pense que parfois, quand on est vraiment très au-dessus des autres, ben, il peut être bon de le masquer un petit peu. Et peut-être qu'un Maxime, tout bourru qu'il soit, il aurait pu survivre plus longtemps s'il n'était pas vu comme aussi dominant, voire même imbattable dans les épreuves. Et c'est ce que les autres aventuriers disent quand ils débriefent le conseil. Ils disent l'éliminer va nous permettre d'avoir une chance de gagner des épreuves. Et de fait, c'est ce qui se passe dans l'épisode. Il y a 2 vainqueurs différents. Steve gagne le confort et Aurélien gagne l'immunité. Après, concernant Cyril, si ton jeu social fait aucun débat entre nous, bon, on peut débattre de si Steve est meilleur que toi ou pas, mais on est tous d'accord pour dire que tu as un excellent jeu social. Alors, comment alors est-ce qu'on peut expliquer ton élimination? Y a une erreur qu'on peut pointer, d'ailleurs, tu l'as pointé toi-même, c'est bien sûr le fait que tu sois allé chercher le courrier. Et à cette occasion, d'avoir montré que tu étais très fort en orientation. Bon, pour le coup, c'est impossible, et je pense que personne ne le fera, c'est impossible de te blâmer d'avoir trouvé 5 amulettes, parce que dans le feu de l'action, tu réfléchis pas, tu dois trouver des amulettes, si tu les vois, tu les ramasses. Simplement, je pense que ça a été l'élément qui t'a coûté d'abord ton collier, parce que face aux réactions virulentes de Mohamed et de Nicolas, t'as été en très mauvaise posture et obligé de jouer ton collier. Alors que peut-être que si tu fais profil bas à ce moment-là, tu n'as pas besoin de jouer ton collier et tu arrives dans la même situation que Steve et Cindy au dernier épisode, c'est-à-dire avec ta place garantie en finale. Et c'est aussi ce qui t'a coûté ta place dans cet épisode, parce que c'est ce séjour sur l'île aux amulettes qui revient te hanter quand les autres disent il faut qu'on l'élimine parce qu'il va nous bouffer à l'orientation. Et en plus, pour moi, quand tu prends ce risque d'aller sur l'île, tu en as un peu parlé tout à l'heure, donc t'as un peu répondu à mes questions. Mais pour nous, spectateurs, quand tu prends la décision d'aller sur l'île, t'y es pas forcé vraiment. T'es pas en danger immédiat, enfin, plus vraiment en danger immédiat. Tu n'as pas forcément besoin, du coup, d'attirer la lumière sur toi de façon positive, en t'illustrant, en rapportant le courrier. Et à fortiori, t'as pas besoin d'attirer la lumière sur toi de façon négative. Et c'est ce qui se passe. Mais tu pouvais pas le deviner, même si... Dans Koh-Lanta, en général, ceux qui vont faire les missions, les treks, aller chercher le courrier, il y a souvent des merdes quand même. Donc voilà, même à court terme, pour moi, ce n'était pas forcément le meilleur coup que tu aies fait. Cela étant, l'épisode, il montre aussi comment tu as essayé de te sauver en tentant un coup, ce que j'appelle un coup de très court terme, c'est-à-dire ta stratégie du zèbre. Et là encore, ça illustre l'importance du long terme, parce que cette stratégie, c'est-à-dire parvenir à convaincre Cindy de ne pas voter contre toi, elle peut fonctionner que parce que tu t'appuies sur la relation que tu as bâtie avec elle depuis la réunification. C'est parce que tu as réussi à construire une complicité, un rapport amical fort, que tu réussis ton coup. Parce que si on y réfléchit, Cindy, elle n'y a pas du tout intérêt de voter Maud. Il n'y a aucun intérêt stratégique à faire ça. Simplement, elle va faire passer ses sentiments avant, sans réfléchir aux conséquences de son vote. Et tu t'es aussi appuyé sur le fait qu'elle avait déjà voté contre toi auparavant, du coup, tu l'as fait culpabiliser. Et ça a bien marché, là où ça n'a pas vraiment pris avec Chlo. Pourtant, tu lui sors le même argument, t'as déjà voté contre moi, c'est dégueulasse. Mais peut-être que Chlo, parce qu'elle était vulnérable, elle était plus lucide. Elle se doutait que t'allais jamais voter contre Maud, et t'allais jamais voter contre quelqu'un qui avait un collier. Je sais pas comment Cindy a avalé ça, mais Chlo, bien sûr qu'elle allait pas l'avaler. Tu pouvais voter que contre elle. Donc voilà, pour moi, cet épisode, il montre bien comment même des stratégies de court terme mises en place pour le bien d'un vote décisif ne peuvent fonctionner que si elles reposent sur des relations qui sont bâties tout au long de l'aventure. Et aussi comment chaque petit choix, chaque petite décision va avoir son importance dans le long terme. Et c'est ça, pour moi, qui rend Koh-Lanta si difficile. Parce que c'est une chose d'aller loin dans le jeu, c'est encore une autre chose d'aller en finale, et c'est encore autre chose de gagner la finale. Et Maud, elle a gagné parce qu'elle a joué un jeu à la fois fait d'emprise sur la tribu en pré-réunification. Elle contrôle assez vite avec toi la tribu. Puis ensuite, du coup, elle arrive avec une alliance très solide, bien que peu puissante en réunification. Et après, elle joue le long terme en étant très discrète en réunification, même si discrète au sens plutôt stratégique du terme, parce qu'au sens social, elle n'était pas si effacée que ça. Elle était très sympathique au dire de tous, et elle n'a pas du tout été aussi clivante que Cindy. Donc c'est ça, pour moi, qui fait la différence sur le vote final. Voilà ce que je voulais dire sur le long terme. Ben, c'était très bien complet, merci à toi, Juju, pour ça. Cyril, qu'en penses-tu ? Ouais, c'était très bien, très intéressant. Je pense que tu as oublié une chose dans le long terme, c'est aussi pourquoi rallier Aurélien à notre cause. C'est-à-dire que je vois ce qui se passe avec les courriers. Là, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Clairement, j'aurais pas dû y aller. Et en plus, ça m'a montré que j'étais bon en orientation. Le fait, en plus, que j'ai trouvé un collier. Enfin bref, ils se sont dit à l'orientation, c'est mort, ils vont battre. Alors que moi, j'avais arrêté, j'allais sûrement passer l'orientation, mais que sur les poteaux j'étais naze et que comme au jury je m'étais pris des taquets, ils pouvaient me garder. Bon, ça n'a pas marché. et récupérer Aurélien, c'était aussi intéressant pour le long terme, parce que c'est aussi ce qui m'a permis, en ayant Aurélien pour éliminer Mohamed, de pouvoir jouer cette égalité. Parce que si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, il ne se serait pas rallié à nous. Et j'aurais pas pu créer cette égalité. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut voir aussi sur le long terme, et c'est l'alchimie très délicate d'un Koh-Lanta pour gagner. Ça en fait partie. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est l'opposition long terme, court terme, ou l'alliance long terme, court terme. J'ai expliqué ça par une phrase très simple, c'est que pour moi, la stratégie, c'est du long terme, la tactique, c'est du court terme. La stratégie, c'est on est au jour 1, qu'est-ce que je dois faire pour aller au jour 31 ? La tactique, c'est je suis au jour 1, demain on va au jour 2. Qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce que je peux prévoir ? Qu'est-ce que je peux anticiper ? J'ai un plan d'urgence à prendre. Qu'est-ce que je fais ? Avec qui ? Quand ? Comment ? Comme exemple, pour moi, c'est quand tu as dû, Web6, faire un choix, pour moi, c'était du court terme, dans le sens où tu avais besoin d'un plan direct pour te permettre d'aller plus loin. Donc là, c'est ton court terme qui aurait pu rendre service à ton long terme. Ton long terme qui était déjà bien ficelé et qui manquait juste de 2-3 courts termes pour... Le rendre plus efficace. Bon, ça s'est joué à une pierre, mais là, clairement, c'est la chance. Donc, tu ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Et moi, c'est cette dualité qui me paraît assez intéressante. C'est qu'on a tous un plan, on va dire, de base, pas forcément structuré, un peu vaporeux dans notre tête. Et au fur et à mesure des jours qui passent, on va l'agrémenter avec des nouvelles composantes, avec des personnes qui vont nous servir à aller là où on voulait aller de base. Donc, cette alliance long terme, court terme, pour moi, existe réellement. Et c'est juste que peut-être qu'on ne l'a pas mise en lumière avant, parce qu'on n'est peut-être pas les candidats qui l'avaient mise en lumière. Et je trouve que ton parcours met en lumière cette dualité, cette ancienne opposition qui devient pour moi aujourd'hui unification. Voilà. Et puis après, tout se crée aussi par les liens que tu as avec tout le monde dans l'aventure, quoi. Il y a des personnes avec qui tu connectes plus facilement, mais comme tu ferais dans la vie finalement. Donc ça dépend tellement de qui tu as en face, de ton état d'esprit, de comment tu es. C'est pas facile. Non, mais en plus, la stratégie long terme. Enfin, faut pas oublier que là, on n'est pas dans une ORG, on est vraiment dans un vrai Koh-Lanta où il y a des conditions extrêmement difficiles et des aléas qu'on ne peut pas prévoir, comme par exemple les abandons médicaux, ou les abandons tout court, parce que ça, c'est quand même une composante qui a joué sur énormément de numéros de Koh-Lanta, quoi. Et c'est pour ça qu'avoir une stratégie, comme il a été dit précédemment, vaut mieux faire du court terme avec plusieurs solutions au bout, quoi, et se faire des schémas dans la tête, parce qu'en plus, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de crayon. Et que vraiment se dire, ah bon, là, je vais faire ci, ci, ci, ci, ça, et ça va m'emmener là. C'est très compliqué de faire ça quand il y a des paramètres comme les abandons ou comme la faim et le manque de sommeil qui peuvent aussi... Moi, je pense qu'on n'a pas toute sa tête aussi quand on prend des décisions dans Koh-Lanta. Parce qu'on est... Le manque de sommeil et le manque de nourriture, je pense qu'on prend pas forcément les meilleures décisions. Puis, sans oublier le stress, parce que évidemment, tu es quand même entouré de gens qui veulent t'éliminer. À la fin, il en reste qu'un seul. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, on n'est pas, c'est pas les bisounours. Et ceux qui pensent qu'ils sont là venus pour juste s'amuser, en général, ils restent pas longtemps. Voilà. On va écouter maintenant Damien, qui va nous dire ce qu'il pense de ça. Damien. Bah, c'est pour moi, oui, c'est ça. C'est vraiment le vrai bon jeu. Dans Koh-Lanta, il se construit vraiment pas à pas, pierre par pierre, en tissant petit à petit des liens, en partageant qui tu es et en n'ayant pas peur de sourire. Je sais que dans l'épisode, c'est pas si cet épisode-là ou l'autre d'avant, où Aurélien dit de Cyril avec un petit sourire en disant il s'épanche beaucoup et du coup, moi je m'ouvre davantage. Et c'était ça, je pense que si Cyril, en gros, n'hésitait pas justement à parler de lui, à avoir de l'autodérision, et c'est comme ça qu'il arrivait vraiment à créer le lien, en étant en position d'écoute et en ne forçant pas. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on tisse des liens, petit à petit, et c'est ça ensuite qui permet de te donner le plus d'options possibles pour pouvoir avoir le jeu, je veux dire, le plus complet possible. Tout à fait. Donc, ouais, donc voilà, mais sinon, excellente analyse de Juju, bravo. Bravo Julien. Bravo Julien. Et moi, je voulais juste vous dire un truc, c'est par rapport à Maxime, parce que vous en parliez un peu tout à l'heure. Moi, la nuance que je fais, c'est que, évidemment, Maxime, c'était un super candidat au niveau sportif. Il a fait peur, mais si Maxime avait eu un social en béton, il avait été top, moi, je vous assure, on ne l'aurait pas éliminé. Et il aurait pu être bon dans les épreuves, c'était pas grave. C'est vraiment son social qui l'a perdu, en fait. Parce que même s'il gagnait toutes les épreuves et qu'il avait un social comme le tien, il aurait pu, vous auriez pu le laisser aller tranquillement jusqu'à l'orientation, gagner les poteaux. On ne l'aurait pas laissé faire, évidemment. Mais en tout cas, on se serait battu comme on l'a fait à chaque fois. Mais il n'aurait pas été sur la sellette comme il l'a été très rapidement quand son alliance s'est effondrée. Donc là, il a pas su rebondir pour être liant, sympathique, justement un peu rigolard, un peu fun. Il était toujours dans son rôle professoral qui l'a desservi. Oui, et surtout, ce qui lui a desservi, c'est d'éliminer Fred aux ambassadeurs aussi. Hein. Ça lui a mis beaucoup de plomb dans l'air. Dans l'air. C'est sûr. Nous, c'était du pain béni pour nous. Hein. Je te le oui, dis. C'est sûr. Quand on a vu Alexandre revenir, on était en mode « Ouh !» On va passer à ce qu'on appelle maintenant les sujets courts. Donc, trois sujets, des questions très simples, des réponses très simples. Donc là, étant donné que Cyril, tu es là, c'est toi qui vas répondre en premier aux questions. Et la première question, c'est les stratégies en dehors, derrière, devant les caméras. On en a parlé un peu tout à l'heure. Qui fait quoi? Voilà. Donc, à toi de te lâcher. Bon, clairement, dans Koh-Lanta, tu as plusieurs façons d'agir. C'est-à-dire que moi, j'avoue qu'au début, j'avais une méfiance vis-à-vis des caméras. Je me disais, mince, si je leur dis des choses, ils vont aller le répéter. Ils vont, tu vois, il faut que tu les apprivoises et qu'eux t'apprivoisent. Donc, c'est au début, c'est pas forcément facile. Typiquement, pour l'élimination de Victor, moi, je voulais pas le dire aux caméras. Je voulais pas dire qu'on avait prévu d'éliminer Victor, et c'est Maud qui l'a lâché. Et à partir du moment où elle l'a lâché, bon, on s'est dit, bon, bah, ok, maintenant on leur dit. Et s'il y a un twist, machin, on se dira, bon, bah, ils nous ont eu. Bon, C'est là que tu réalises qu'en fait, les journalistes, les caméramans, ils sont pas du tout là pour ni te juger, ni pour influencer qui que ce soit. Vraiment, j'ai senti jamais, à aucun moment, qu'on m'influence soit de dire quelque chose, soit qu'on me livre quelque chose que quelqu'un d'autre avait dit que je n'étais pas censé avoir entendu. Il ne rebondissait que sur ce qui avait été dit et fait. Donc là, à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise justement les caméras et que ce soit mes alliés plutôt que mes ennemis, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, puisque certaines personnes, notamment une, chef jaune, a été très, très, très portée sur la stratégie en off, et qui lui a valu une image super sympathique des téléspectateurs et du montage, parce que ils ne peuvent pas y faire sans les images. S'ils n'ont pas les images, une production va créer quelque chose. Et moi, du coup, c'est vrai que c'est une image qui ne correspond pas à la personne avec qui j'ai fait l'aventure, clairement. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est très osé, c'est bien de dire les choses telles qu'elles sont arrivées, et, parce que nous, on ne peut pas savoir ça. Ben oui, non. C'est pour ça que moi, ça m'énervait, justement. Oui, je comprends. C'est que je me suis quand même fait hyper insulter quand on l'a éliminé. Et j'étais là, mais putain, si vous saviez. Donc c'est soit tu apprivoises les caméras et tu acceptes de livrer tes stratégies, de dire comment tu vas jouer les choses et comment tu vas faire, soit bah, tu la joues en sous-marin. Voilà, c'est une façon de jouer aussi. Moi, je trouve pas ça très fair-play pour les téléspectateurs. Je trouve que c'est de la manipulation. Pour le coup, c'est de la vraie manipulation et c'est pas bien pour le public. Après, pour répondre à une question qui a été posée sur le chat par Freeze, qui disait que le côté un peu vicieux de Béatrice avait été révélé un peu après, ça a été révélé dans les médias un peu de niche, c'est-à-dire sur certains comptes Twitter, certains comptes Facebook, certains comptes Instagram, que le grand public ne va pas forcément suivre. Ce que voit le grand public, c'est ce qu'on lui donne tous les vendredis soirs à 21h, enfin 21h15 avec les pubs, sur TF1. Exact. Et ce qu'on a vu, c'est la gentille Béatrice qui s'est fait éliminer par les méchants, Maxime, les méchants Cindy, les méchants Cyril, oulala, oulala. Et comme le dit Gino sur le chat, c'est que la strat est mal vue de la partie, d'une certaine partie du public qui est peut-être la plus véhémente à exprimer ses pensées. On essaye un petit peu les candidats savent que pour les séduire, ils doivent correspondre à ce qu'ils pensent. C'est un peu de la politique, en fait. C'est un peu les mêmes actions que Complètement. la politique ou certaines personnes dans les médias qui se modèlent à un type de pensée particulier pour être populaire et pour être vu. Donc voilà, il y a des noms, hein. Il y a des noms qui me viennent en tête, je ne dirais pas, mais je pense qu'il y en a aussi qui viennent dans vos têtes. Et c'est à peu près la même stratégie, la même démarche. Non mais quand tu dis que c'est très politique, je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu montres ce que les gens ont envie de voir, mais pas la réalité de qui tu es, ni de ce que tu fais finalement. Et ça, c'est vraiment clairement un souci quand tu veux venir dans une aventure comme Koh-Lanta, où tu es censé te livrer et être voilà, brut. Donc là, c'était carrément pas la bonne image, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent sur Koh-Lanta en se disant que ça va être tout beau, tout rose, qui se rendent compte très vite, une fois arrivés, que ah bah merde, il va falloir faire des stratégies, il va falloir aller parler aux gens, mentir, et pour pas décevoir leur famille, ou pour pas, ouais, il y a une certaine pression de la part de l'extérieur, je pense, qui se joue dans la tête de certains qui n'étaient pas venus là pour. Chercher les aspects sociaux et stratégiques du jeu, qui étaient là plus pour l'aventure, le sport. C'est surtout les sportifs qu'on ne voit pas faire des Ouais, stratégies. mais en plus, Béatrice, c'est un peu particulier parce que je pense il y avait un storytelling comme quoi elle faisait l'aventure pour son frère qui ne pouvait pas la faire parce qu'il avait eu un accident. Et je pense que aussi, peut-être vis-à-vis de son frère, justement, elle voulait pas qu'on la voie comme une stratège. C'est possible aussi. Enfin, c'est une interprétation que j'ai en ayant vu son portrait. Moi, je pense que c'est un peu tout ça, tu vois. C'est, il y a une pression sociale derrière, en extérieur. Il faut pas oublier qu'elle est quand même médiatisée dans le sens où elle est professionnelle de foot, donc elle a une image sur les clubs, sur les choses comme ça. Donc oui, je pense qu'il y a des, c'est un petit peu un mix de tout ça. On va passer à la deuxième question. La visite des proches, pourquoi est-ce que c'est un moment important pour les candidats? C'est vrai que chaque année, on moque un petit peu ça, les candidats qui sont en train de pleurer leur mère quand ils la voient. Mais si ça revient tous les ans, c'est bien qu'il y ait une raison. Si ça compte pour les candidats, c'est bien qu'il y ait une raison. Du coup, Cyril, que voudrais-tu nous partager là-dessus? Bah, alors, moi, clairement, c'est quand je lis Big, je vois que pas du tout l'aspect des proches, l'aspect voilà, sentimental, émotionnel. Mais clairement, déjà, bon, pour le téléspectateur, ils adorent ça, hein, les bisous, comme vous dites, ils adorent ça. Et moi, le premier, hein, d'ailleurs, j'ai beaucoup pleuré quand Pascal a retrouvé sa femme. Mais c'est la première fois de ta vie que tu te retrouves au milieu bah, de n'importe sur une île au milieu de l'océan, avec des gens que tu ne connais pas, dans un contexte où t'es stressé tout le temps, parce que tu dois te faire éliminer, parce que tu as des jeux, il faut performer, et en plus tu souffres du froid, de la faim, et autres. Et en fait, tous tes repères sont... T'as rien, t'as que dalle, t'as aucun repère. Et moi, je me disais, mais c'est bon, je pars un mois et demi, ça va, je peux tenir un mois et demi, aucun problème, rien à faire, c'est le colis de vacances, on va rigoler. Non, c'est pas du tout le cas. C'est, tu es sous pression, tu te sens pas bien, t'es pas à l'aise. Même si tu vas loin, moi, j'ai même pensé à abandonner à des moments, parce que j'avais froid, parce que j'étais pas bien. Après, tu relativises et tu repars, mais les proches, c'est un moment très très fort. Moi, le coup de téléphone, ça m'a reboosté, mais d'une façon hallucinante, parce que j'étais rassuré de savoir que ma famille allait bien, que mon mec allait bien. Ça m'a remis d'aplomb. Et t'as pas de téléphone, tu peux pas envoyer des petits textos, même si tu vois pas les gens en disant comment tu vas, je vais bien. Enfin, t'as rien. Et bah, de ce rien créer vient un manque qui est beaucoup plus fort que ce que tu aurais pu imaginer à la base. Et psychologiquement, c'est très dur, c'est très lourd, c'est vraiment du mental, Koh-Lanta. Et la famille, l'entourage, ça en fait partie. C'est pour ça que c'est si important pour nous, au-delà en plus de la fierté de les faire venir, de voir et d'avoir un contact avec ses proches. Donc arrêtez de dénigrer nos proches, merde. Alors, comme j'expliquais sur le chat, moi j'ai pour vous, je suis consciente que c'est nécessaire et que c'est une très bonne chose d'avoir ça. Et c'est vrai que du côté téléspectateur, le moment du téléphone, je pense qu'il devrait juste nous montrer qui c'est que vous appelez, mais vous gardez ça pour vous, en fait. Moi, ça me met mal à l'aise, en fait, parce que je trouve que c'est un moment intime, c'est un moment dont vous avez besoin pour vous rebooster, ou voilà, et on vous voit dans le plus grand des dénuements à tous pleurer et tout. Et moi, je suis mal pour vous quand je vois ça. Et je trouve que quand même, alors je sais que ça plaît à la ménagère de moins de 50 ans, et je suis une ménagère de moins de 50 ans, mais moi, ça ne me plaît pas. Ça me rend mal à l'aise. Et pareil pour le confort final, là c'était Steve avec son fils. C'est pas très intéressant, enfin, du point de vue spectateur. Bon, c'est cool, il a gagné son confort avec son fils, on est content pour lui. Mais moi, j'en ai profité pour aller faire autre chose, parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça, quoi. Voilà. Oui, après, ils pourraient couper, enfin réduire un petit peu le temps d'antenne de ce genre de choses. Ça, oui, pourquoi pas. Mais pour nous, en tout cas, c'est le confort le plus attendu. Faut pas oublier un truc, quand même, qui est pour moi très important, c'est que les personnes qu'on voit dans Koh-Lanta, ce sont des personnes de la vie de tous les jours. Et donc, quand tu vois une personne de la vie de tous les jours avoir un moment de faiblesse, avoir un moment de craquage, un moment d'émotion, c'est quelque chose auquel tu vas vraiment pouvoir te comparer parce que ce sont des personnes qui sont comme toi. C'est des personnes de la vie de tous les jours que tu peux croiser en train de faire leurs courses, que tu peux croiser chez le coiffeur, que tu peux croiser enfin n'importe où, au boulot, voilà. Et du coup, il y a une espèce de vision de ta propre personnalité, de ta propre vie sur eux. Et quand il y a des histoires de famille qui vont ressembler à la tienne, tu vas te prendre parti parce que ce sont des choses qui ont pu te concerner et tu vas te sentir concerné par ça. Et c'est aussi une stratégie marketing comme une autre, hein, de la part d'ALP de dire, OK, lui, il est homosexuel, sa mère est cul-de-jatte, son père a un cancer, toutes ses sœurs sont malades, il a un chien qui est mort, et ben c'est peut-être une belle histoire, tu vois, par exemple. J'extrapole, hein, bien sûr. Mais je suis d'accord, je pense que TF1 et LP, ils ont besoin de créer de l'empathie avec le téléspectateur. Si tu n'as pas d'empathie pour les candidats, tu ne vas pas être autant à fond, tu ne vas pas être pour quelqu'un, tu ne vas pas être autant tu vois, sur les réseaux, tu vois la déferlante que c'est. Si tu n'as pas créé d'empathie et que c'est juste des robots, des pions, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est là où je pense que Koh-Lanta est plus fort que Survivor, parce qu'on il y a une psychologie de chaque candidat qui est plus forte que dans Survivor. C'est surtout que là où Koh-Lanta dure 2 heures, Survivor, ça va durer 40 minutes. Survivor, ça va aller à l'essentiel. Koh-Lanta, on a besoin d'étirer le fil. Mmh. Et du coup, on va présenter Jean-Jacques, 45 ans, avec sa femme malade. Patrick, 30 ans, avec son père malade. Mais c'est des choses qui font partie aussi de notre pour créer de l'empathie. Ouais, ça crée de l'empathie. Et c'est pour ça qu'on a encore du mal à dissocier le jeu de la vraie vie, parce qu'on montre énormément de moments de la vraie vie dans le jeu. C'est vrai. Alors, je vais prendre quelques commentaires du chat. Alors, Freeze qui reproche le fait que les proches sont utilisés en tant que pantins pour la conception du jeu et non pas en tant que membres intégrants du jeu, pour le coup. Et mine de rien, il y a eu une évolution, parce que si je ne me trompe pas, la dernière épreuve de Koh-Lanta avec des membres de la famille, les membres de la famille ont participé à l'épreuve, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Dans les deux derniers, là, dans le All-Star et dans le nôtre. Je trouve ça beaucoup plus intéressant parce qu'au moins, il participe au jeu et il peut avoir de l'influence dans le jeu. Et moi, je me souviens d'une saison, alors, on va reprendre l'exemple avec Survivor parce qu'on n'a pas le choix, d'une saison, je ne dirais pas laquelle, mais ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle, où un certain candidat qui avait gagné beaucoup, beaucoup d'épreuves avait pris énormément de conseils de la part de sa femme. C'est une saison qui remonte, hein, c'était 2006-2005 la saison. Il avait pris énormément de conseils de la part de sa femme qui avait expliqué comment jouer, qui avait expliqué comment manipuler les objets qu'il avait dans sa possession. Et il a pu comme ça améliorer son jeu, bon, pour le résultat qu'on connaît après. Et du coup, ça avait permis de rajouter du contenu supplémentaire. Et c'est assez intéressant. Après, en France, dans Koh-Lanta, il ne faut pas oublier que des fois, certaines réunions avec des personnages, avec des membres de la famille d'autres candidats, ont été un peu malaisants. Moi, je me souviens de Moussa dans La Revanche des Héros, quand il était servi de la mère de Maud pour dire qu'en gros que sa fille c'était une traîtresse et qu'elle méritait pas de continuer. C'était un peu malaisant, mais c'était assez drôle. Et puis ouais, le plan cul d'Ella également, ça c'était quand même d'Ella, ouais, ça c'était très c'était drôle, hilarant quand tu voyais sa tronche quand elle l'avait vue, c'était assez assez sympathique. Je vais laisser la parole à Damien. Damien. Oui. Là-dessus, bah moi en fait je me rends compte avec le temps, je suis extrêmement faible moi face à ça. Je regarde les trucs des proches et à chaque fois j'en ai presque la larme à l'œil parce que du coup je suis en empathie totale avec eux. Et du coup, moi c'est genre voir Cyril avec son copain, voir Claude avec ses parents, voir. Moi ça ne m'embête pas, au contraire. Je trouve c'est. Enfin, même si pour le coup le dernier épisode, en gros toute la partie proche plus confort de Steve, ça a duré 1 heure en tout. Je crois que le time code c'était 1h04 quand on est enfin passé à l'immunité. Donc c'était un peu longué, effectivement. Mais moi, voilà, je comprends vraiment l'impact sur les candidats. Ça y a pas de souci, je comprends bien. Et même en tant que spectateur, moi, voilà. Moi, ça me plaît, j'aime bien. Je dois être un peu fleur bleue, dans le fond. Mais c'est pas mal, hein. Mais moi, je trouve qu'il faut aussi savoir se prendre au jeu de tout ça, quoi. C'est, évidemment, c'est un jeu d'aventure, de stratégie, mais aussi voilà, d'humain. Donc, c'est une belle alchimie, je trouve, qu'ils ont réussi à faire quand même dans cette émission. C'est quand même partie intégrante du jeu, et c'est l'une des parties de la vraie vie la plus intégrante du jeu. C'est pour ça qu'il y a ce lien qu'on fera toujours, et qui d'ailleurs maintenant est parfaitement compréhensible et qu'on a parfaitement intégré. Le troisième sujet court, Cyril, que devient-on sur le plan personnel après avoir fait Koh-Lanta? Ah là là, je suis chez le psy là. Écoute, ce sera 2000 euros s'il te plaît. Putain, je te signale que j'ai pas gagné. Écoute, c'est une aventure très forte. Bon, moi, vous le savez, je l'attendais depuis hyper longtemps. Ça fait plus de 10 ans que je postule. Je sais pas si c'était ma 13e ou 14e postulation, un truc comme ça. Et j'en rêvais. Quand tu le fais, tu sais pas du tout quelle image tu vas avoir. Parce que même si tu fais des coups, même si tu arrives à plus ou moins loin, tu sais pas du tout l'image que ça va rendre. Moi, il se trouve que j'ai eu une super image, donc j'ai plutôt de la chance. Et après, ça te bouleverse quand même pas mal. Revenir au quotidien est compliqué. Parce que tu as été dans une liberté totale, enfin, même si tu es encadré, tu étais quand même dans une grosse liberté, tu étais dans un jeu pendant un certain temps. Ça te bouleverse pas mal les émotions, moi ça m'a quand même pas mal travaillé. Et bah, il faut revenir à un quotidien bah, dont tu n'as pas forcément, tu n'as plus envie en tout cas. Et bah, moi, c'est pour ça que c'est les anciens me le disent souvent, c'est soit tu quittes ton conjoint, soit tu changes de travail ou tu changes un peu de vie. Et bon, alors moi, je n'ai pas quitté Chacha, hein, mais j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de changer d'environnement. Je ne veux plus avoir de patron, j'ai envie de me lancer dans une aventure plus personnelle. Donc, c'est ce que je vais faire à partir du début de l'année prochaine. Là. Et je pense que c'est le déclic qui a été clairement Koh-Lanta. Ça, on peut le dire. Et chacun va le vivre un petit peu à sa façon, différemment, mais ça, personne n'en ressortira indemne, c'est sûr. Même les filles qui sont sorties au tout début, comme Alisa et Karine, elles sont hyper marquées par cette aventure. Et ça, peu importe si t'as fait 3 jours ou 3 mois, c'est très très fort. Très bien, merci. Oui, du coup, après, tu lances des projets. Alors, Freeze a fait une petite référence à Francky Vincent avec Cyril le restaurant. C'était un rêve à réaliser. J'aime beaucoup. C'était pas Théoura qui a fait ça, il a son food truck. Théoura tient son food truck, ouais. Oui, en effet. Et des personnes, je sais plus quel membre d'ADF est allé manger à son food truck. Quelqu'un vous avait parlé de ça. Et oui. Ouais, bah écoute, ça sera pas un food truck, mais pas loin. On verra, je vous en reparlerai. Du coup, chaque candidat de Koh-Lanta prend un peu conscience de ce qu'il est et va prendre des initiatives personnelles et devient des entrepreneurs. Je pense à Mohamed également qui avait plusieurs projets, qui là, je sais plus ce qu'il a comme projet. Il tient un restaurant également, je crois, ou une boucherie halal, je sais plus. Mohamed de KL5. T'as même Alban qui est devenu acteur, on va dire, d'une petite série sur GQ qui était amateur, que je conseille. D'ailleurs, c'était très très bien. Très très bien. Je suis allé à l'avant-première, il m'avait invité et c'était vraiment très sympa. C'est sur 5 épisodes et du coup ça a tellement bien marché qu'il va sûrement en faire un deuxième. Bah nickel, bah, moi je suivrai ça avec impatience. On va donner la parole à Damien qui veut dire un truc, donc Damien t'écoute. Alors du coup moi j'ai trouvé ça vachement intéressant ce que t'as dit Cyril, que les anciens te disent en gros où tu quittes ton conjoint, tu changes de taf, parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup remarqué justement, c'est que énormément de candidats avaient complètement changé de vie, avaient quitté leur conjoint de l'époque après avoir fait Koh-Lanta. J'ai 5 ou 6 exemples là, un peu dans la tête. Et je pense que du coup, c'est une expérience qui tranche tellement avec ton quotidien, une expérience où tu es seul avec toi-même, que forcément, tu as le temps de réfléchir à qui tu es. Et en rentrant, du coup, je pense que tu dois te sentir plus en phase avec qui tu es et que tu arrives plus facilement à prendre des décisions fortes dans ta vie personnelle que tu ne prendrais pas forcément si tu ne l'avais pas vécu. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, le côté game changer, si je puis dire, de Koh-Lanta. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Si, si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça, c'est vraiment, t'as le temps de réfléchir à toi et à ce que tes aspirations vraies et profondes. Parce que moi, je me suis jamais ennuyé, mais pourtant, t'as beaucoup de temps quand même hein, sur l'île. Et surtout, tu es vraiment face à toi-même. Donc, tu fais le pour et le contre de tout ce que tu es en train de vivre en ce moment et ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Et ça te donne des portes et des clés peut-être pour, après, quand tu reviens en France, bah, changer des choses. Et tant mieux, hein, c'est bien, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de 10 ans pour réaliser quelque chose comme ça. Et là, Koh-Lanta, en 2 mois, bim, c'est un clash énorme. J'aimerais moi souligner, c'est aussi la prise de conscience de qui on est, uniquement en tant que personne. Et je pense à Chlo. Avant Koh-Lanta, Chlo n'avait pas dit qu'elle était lesbienne. Et une fois la finale de Koh-Lanta faite, en direct, elle avait annoncé qu'elle cherchait la femme de sa vie. Donc il y a peut-être aussi cette prise de conscience, enfin peut-être pas cette prise de conscience, mais cette assurance qui s'est développée grâce à Koh-Lanta, qui a peut-être permis à Chlo de se tenter. Je pense que pour Chlo, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'insécurité, qui a douté beaucoup d'elle. Et le fait d'aller aussi loin dans l'aventure, je pense que ça l'a beaucoup rassurée. Après, je ne vais pas Je pense que le fait que moi je dise que je sois homosexuel et que j'en parle très ouvertement, ça l'a sûrement aussi aidé à se dire qu'elle allait le faire. Et je pense que ça l'a clairement libéré et c'est l'aventure qui a amené ça, oui, c'est sûr. Bon, après, sa famille était déjà au courant, hein, je vous rassure, mais c'était pas la grosse surprise non plus. Mais sur l'île, on en parlait, mais jamais devant les caméras ou jamais les caméras ont évoqué ça d'elle. Et alors dans la liste des personnes de Koh-Lanta qui ont fait des projets après, Freeze nous mentionne avec ironie le tour du monde de Clémentine. Ah oui, ça avait été magnifique. Ouais. Puis également. Elle y est encore, je crois. Donc, oui. C'est pas si mal. Également les personnes qui fondent des familles. Donc là, il y a Cindy qui est tombée enceinte, ou même d'autres candidates hein, qui ont eu des enfants juste après, qui ont créé. Des couples qui sont formés grâce à ça, donc le célèbre couple Benoît et Yesta. Hein, Jérémy Candice. Jérémy et Candice. David. Évidemment, FD et Émilie, même s'ils ne sont plus ensemble maintenant. Ouais, bah, voilà, ouais. Ça a créé. Oui, et puis tous ceux que vous ne connaissez pas. Après, il y avait son qui a, comment il s'appelle ? C'est, je vois Grumeau qui dit Mohamed et Cyril. Écoute, on ne voulait pas en parler tout de suite, mais c'est vrai que. Ça va, ça se passe bien entre nous. Ah, moi j'ai une question vu que tu fais la transition entre couple et Koh-Lanta. S'il y avait un Koh-Lanta spécial conjoint, sait-on jamais avec ALP, on pourrait être très surpris. Est-ce que Chacha accepterait de participer Alors, mais tu sais, nous on en parle même sur l'île, on en parlait du Blood versus Water des Survivors. Alors que ce soit ton conjoint, ta sœur ou quoi, mais je pense qu'on est tous hyper partants pour que ça existe. Et clairement, Chacha serait à donf pour venir, clairement. Et je pense qu'il serait pas mauvais en plus. Ça pourrait être pas mal. Ce serait une idée à creuser. Je vais laisser la parole à Damien pour clôturer. Donc au niveau, ouais, non, franchement, Blood versus Water, donc ça c'est quelque chose vraiment que j'aimerais beaucoup voir. Et du coup, bah, ça me fait plaisir de savoir que vous en parliez sur l'île. Et ce que je voulais te demander, donc Cyril, c'est donc toi, on sait que tu regardes Survivor, mais est-ce que tu as d'autres exemples de candidats de ta saison qui le regardent aussi, qui peut-être s'en seraient inspirés, à part Fred qui en avait parlé Alors, honnêtement, moi, je regardais Survivor avant, mais très ponctuellement, c'est-à-dire que je regardais surtout les gros blindsides ou les épreuves, mais j'avais jamais regardé en continu de Survivor. Depuis mon retour, je m'y suis mis et là j'ai commencé la saison 17. Donc bah, j'ai vraiment repris à la première. Tu vois, c'est pour ça que j'espère arriver à la 40 quand elle va commencer avec tous les gagnants là. Mais les autres n'avaient pas de conscience, oui, de jeu comme ça en fait. Il n'y a que Fred qui l'a évoqué. Il n'y a aucun des autres qui avait regardé des Survivors. Non. Peut-être Brice, à la rigueur. Peut-être Brice, si je me souviens bien, peut-être Brice, il avait regardé un petit peu aussi, mais très ponctuellement. En tout cas, personne n'était vraiment addict au truc. Je me souviens que l'un des premiers candidats qui parlait régulièrement de Survivor avant de faire Koh-Lanta, c'était Hugues Dual, qui avait fait Fiji. Ah ouais, ouais, il partageait souvent des liens de Survivor sur son profil Twitter. Et il me semble que la première fois qu'un candidat avait mentionné un peu Survivor après être passé, c'était Cédric qui, après Johor, mentionnait un peu Survivor, tout ça. Il avait plus ou moins converti Alban à ça, parce que je savais qu'Alban, normalement, suivait le compte de Survivor sur Twitter. Et je me souviens que Christophe, de la même saison, avait liké un commentaire disant que si Survivor était en France, les gens feraient des AVC à cause des stratégies. Christophe de KL15. Tellement. C'est clair. Et alors c'est drôle parce que du coup moi je m'entends très bien avec Cédric, c'est devenu un bon pote, et on en parle du coup souvent, et justement lui il kifferait qu'il existe un Survivor versus The Rest of the World, c'est-à-dire qu'ils prennent 10 des meilleurs de Survivor contre 10 de très bons, tu vois, de tous les pays différents où il y a du Survivor quoi, donc tu vois qu'il y a des gens de Koh-Lanta, des gens de Expédition Robinson en Suède, des trucs comme ça. Il y aurait qui en France, enfin, faudrait un nom. Moi, le nom qui me vient à l'esprit, ce serait Pascal, mais je suis pas sûr que Pascal pourrait vraiment être. Bah, déjà, il faut parler anglais. Hein. Il faudra. Ça va limiter grave le choix. Claude, ouais. Claude, ce serait pas mal. Claude, il parle anglais. Claude, il parle anglais. Bah, écoute, Claude, ça pourrait marcher. Mais ouais, tu vois, je pense qu'il y a moyen, en tout cas, de trouver 10 candidats. C'est facile, tu vois. Tu peux le faire. Après, qui c'est qui diffuse? Est-ce qu'on n'est pas sûr que des chaînes de télé mettraient la pression pour que tel candidat soit éliminé avant leur candidat à eux? Qui organise ça? Quelle est la récompense? En quelle monnaie donne-t-on la récompense? Est-ce qu'on la donne en dollars américains? Moi, je prends tout. American Express, CB, il n'y a pas de problème. je fais la conversion. Non, mais après, oui, évidemment, au niveau... C'est pas au niveau de l'infrastructure, de la prod, ça doit être peut-être un peu compliqué. Mais dans l'idée, je trouve ça assez fun, quoi. Ça pourrait être très sympa. Juju, je sais pas si... Ça fait un peu longtemps que t'as plus trop parlé, donc ton avis là-dessus? Sur le sujet court numéro 3, qu'est-ce qu'on devient sur le plan personnel après avoir fait Koh-Lanta? Je pense que nous, c'est impossible de le savoir. Donc, c'était bien d'avoir Cyril avec nous pour répondre à cette question. Et... si peut-être lui poser la question, enfin, à part mentalement, qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu reviens pour te réhabituer à la vie sociale? Est-ce que c'est le fait d'avoir plein de gens autour de toi? Est-ce que c'est le fait de pouvoir manger à ta faim, d'avoir un lit? Enfin, qu'est-ce que c'est qui te fait le plus bizarre? Qu'est-ce qui me fait le plus bizarre, je pense ça, c'est de déjà revenir confort global, autant c'est dur de le lâcher, autant quand tu le récupères, c'est très facile. Ça revient de façon limpide. Mais je dirais, oui, peut-être c'est la cohue, le bruit. Moi, j'habite à Paris en plus, donc c'est le métro avec le stress, le tour où tu sens vraiment une émanation complexe que tu n'avais pas du tout sur ton île, où tu étais un peu peinard, où tu te levais le matin pour aller mettre les pieds dans l'eau. Enfin, c'est pas la même façon de vivre, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est le monde et le bruit qui est le plus compliqué à gérer. Du coup, c'est sur ces tendres mots que nous allons clôturer le tournage de l'épisode 13 avec comme invité Cyril. Je vais remercier tout d'abord les intervenants, donc Jules, Juju et Damien. Merci à vous trois. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, merci à toi Cyril d'avoir d'être venu avec nous, d'avoir échangé, d'avoir apporté un regard interne à cette saison et à cet épisode. Je vais quand même vous remercier aussi. Je vous remercie pour ce temps de parole. Ça me fait vraiment plaisir parce que vraiment, quand j'ai suivi tout le monde sur Big, ça m'a fait vraiment plaisir au fur et à mesure de lire tout ce que pouvait mettre Grumeaux sur les épiques, sur Cheminade et compagnie. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et du coup, là, je vous ai en live. Donc, c'est très, très plaisir de partager tout ça avec vous. Donc, merci à vous et puis longue vie à Autour du Feu. Merci à toi. On se retrouve dès maintenant pour la FAQ de Cyril, donc on va garder la même équipe. A tout de suite. Bisous et à une prochaine pour un prochain épisode d'Autour du Feu. Salut.